quand on accueille comme ça 7 nouvelles entrées, on dit au revoir. On dit au revoir à d'autres. On leur dit Palmaris in peace. C'est bye, là! Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. 2, 3, 4, approchez-vous du troc. Du troc des gueules machins, parfois la veille et à volaille. On va caler des chats, ça veut qu'approchez-vous du troc des gueules machins. Des pièces qui ont quitté les palmarès fous depuis l'édition du 1er décembre 2014 au 4 janvier 2015. Dans le premier extrait, on a écouté les gars de ma shop avec le truc de la shop qui est resté avec nous cette semaine. Ouais, ensuite, ça a starlé. Guillaume Beauregard a regardé sa pièce depuis le décembre partir après cette semaine. Propos folle, a vu sa pièce noyée dans la rivière. Propos folle, la rivière, 8 semaines. Mordicus a cassé deux miroirs, miroir, et ça s'est retrouvé avec 9 semaines de malheur. Ah ouais, mais là, tu me donnes la paix. Donc, Bernary, qui s'est fait ami avec un russe. Hein, Craig Schrover, fait qu'il est parti 5 semaines en vacances. OK Go a vu la beauté dans l'œil de celui qui regarde avec Bright As Your Eyes qui a duré 7 semaines. Et Orange O'Clock est allé aux States pour faire un match de baseball. Ouh! Puis ils ont fait un home run, c'est resté 6 semaines. Oh, on est-tu bon? J'espère que les gens y ont compris. J'espère. Sinon, ça se retrouve sur le blog assemblagerequis.com. Hey, tout est là-dessus, toi. Ben oui. www.assemblagerequis.com. Allez-y tout de suite. http://... de www.assemblagerequis.com/index.php. Voilà. Ah oui, ça ressemble à ça. Ben oui. Et on fait Palmaris in Peace à la fin des nouvelles entrées chaque semaine dans les Palmaris, c'est fou. Voilà.